monsieur, en gare. Comme dans les trains, lors de votre voyage, vos bagages doivent porter une étiquette indiquant votre nom et numéro de téléphone. Ladies and gentlemen, while traveling with us, please ensure that all your luggage has been properly tagged with your name and information. Excusez-moi, ligne 4 pour la gare du Nord, je viens par ici. Merci. Thank you.